Bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter le premier épisode de C'est quoi le pitch, votre podcast bimensuel de critiques sur l'actualité du cinéma. Alors je sais, ça fait un de plus, c'est vrai, mais je veux vous dire que j'ai autour de moi ce qu'on peut appeler la fine fleur du scénario français, puisque c'est tout l'intérêt de notre podcast, nous sommes tous scénaristes. C'est notre métier, on vit de l'écriture, on est tous passés par cette difficile expérience qui est de recevoir un mail de notre producteur nous disant que notre acte final est merdique, alors que pourtant c'est le meilleur des trois. Pour se détendre, on va au cinéma et on se retrouve ici pour parler, critiquer ou dire à quel point on a aimé les films de ces deux dernières semaines en essayant de se concentrer avant tout sur le scénario. Autant le dire tout de suite, cette émission sera 100% spoil, vous êtes prévenus. Aujourd'hui, au programme de ce premier numéro, Lady Bird, The Disaster Artist et Call Me By Your Name. J'ai autour de moi aujourd'hui Marine, Rumix, apparemment parce qu'il n'a pas vu les films, Sarah et Fiona. Armand qui a la technique, on le remercie. Merci Armand. Merci Armand. Et on commence par Lady Bird. Ah oui, petite précision, tous les intervenants qui ont le malheur de dire le mot truc se verront automatiquement couper la parole. C'est comme ça, on rigole pas ici. On commence par Lady Bird, écrit par Greta Gerwig. C'est ça, je me suis pas trompé. Et c'est Rumix qui va nous le pitcher. Alors, Lady Bird, c'est l'histoire de Christine, une lycéenne de 17 ans qui se fait appeler Lady Bird, un surnom qu'elle s'est donné, et qui rêve de quitter sa ville de Sacramento, officiellement pour aller étudier New York, officieusement pour s'éloigner de sa mère un peu autoritaire. Et on suit ses premiers émois, ses rêves et ses désillusions. Voilà. C'était assez concis comme pitch. Bon alors Marine, est-ce que tu as aimé ce film ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça très... Je trouve que le personnage était très attachant et qu'on suivait sa progression. J'ai été prise dans tout ce qu'elle fait. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai rythme dans le film aussi, un vrai ton. Elle est un peu barrée, hein, clairement, cette Lady Bird. Et j'ai vraiment aimé, j'étais embarquée dedans et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme et ça m'a beaucoup plu. Mais quand tu dis qu'elle est barrée, moi, le problème de ce film, je trouve justement, c'est qu'il n'y a aucun crescendo. C'est qu'on nous plante une fille extrêmement folle. Ce qui fait de plus fou, c'est deuxième scène, elle saute de sa voiture. Elle est avec sa mère, oui. Elle ouvre la portière et saute. Après, oui. Elle ne fait plus rien de spécialement dingue. Après, elle se comporte comme une adolescente normale. Non. En fait. Non, elle est, c'est pas, enfin, pour moi, non, c'est pas, elle est pas totalement normale. Elle fait quand même des choses un peu excentriques. Il lui arrive des choses assez originales. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté. Tout de suite, on nous place un truc. Aïe, elle a dit ce truc. Alors, Lady Bird, moi, c'est un film qui est pas désagréable à regarder. Mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce film, particulièrement aux États-Unis. Donc je me dis que c'est peut-être un film pour les Américains, plus que pour les Français. Non, mais il y a Peter Brooks disait que chaque œuvre avait son public. Je ne suis pas sûre que ce soit un film pour les Français. Parce qu'en fait, il y a beaucoup... pour moi, ce que j'ai vu, c'est un film Disney Channel. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Remanié par une réalisatrice qui est un peu plus auteur, qui fait les choses de manière un peu plus élégante, donc c'est plus chouette à voir. Mais on a quand même le parcours typique d'une adolescente où on retrouve tous les clichés américains qu'on voit dans tous les téléfilms Disney Channel. On a la copine sympa et grosse à qui on va tourner le dos plus tard pour essayer de fréquenter la bimbo plus friquée du lycée. On a le super petit copain tout mimi qui s'avère être gay. On a le nouveau copain, beau gosse, mystérieux, pseudo, intello, insupportable, qui joue dans un groupe de rock et qui s'avère être un connard, même si bon, on s'en doutait un petit peu que c'était un connard, ça se voyait, c'était un peu écrit sur son front. Et on a aussi le mensonge sur la maison, je vis là parce que je veux pas dire que je suis pauvre. Et en fait, on le voit ça, arriver. C'est autre chose. Voilà, tout ça, en fait, tous ces clichés, on les retrouve pour moi dans tous les films sur les lycées américains. Oui, Sarah. Mais c'est justement... j'ai l'impression qu'elle se joue justement de ces clichés-là, que c'est comme ça. C'est en fait un style qu'elle épouse vraiment, le coming of age story, c'est-à-dire un film vraiment sur une ado qui devient adulte progressivement. Elle reprend exactement, comme tu l'as dit, tous les types, tous les caractères qu'on retrouve dans ce genre de film. Et finalement, elle arrive toujours à donner quelque chose de très personnel, je trouve, dans chacune des scènes. Quelque chose de marquant, avec des personnages qui sont un peu à côté, avec toujours cette tension avec sa mère, même si pareil, la relation mère-fille, ado, mère-fille, c'est assez classique. Elle arrive à ajouter une couche en plus sociale sur le fait que là, cette mère qui vraiment brise ses rêves en permanence, lui dit « tu n'iras jamais, on n'a pas les moyens, toujours à cause de l'argent, l'argent, l'argent ». Et ça finit, c'est quand même très marquant et touchant quand elle lui dit « combien je te coûte en fait ? Combien je t'ai coûté pendant mes 17 ans ? Dis-le-moi, je te rembourse et je te parlerai plus jamais ». Et c'est, pour moi, là, un rêve, c'est fuir cette famille, fuir cette ville et fuir son adolescence globalement. Mais c'est aussi, elle a aussi le fameux, comme tu dis, rêve américain. C'est là où je trouve que c'est aussi assez américain. Le côté la belle maison avec les belles pelouses et d'ailleurs entre elles, mais je trouve ça aussi touchant. Moi, je peux pas m'empêcher de m'identifier, même si je suis pas du tout américaine. Le côté elle, avec sa mère, elle visite des maisons, quoi, comme d'autres essayaient des robes de mariée. Quand elles ont du temps libre, elles essayent des maisons de fous qu'elles pourront jamais se payer. Et je sais pas, moi, je trouve que c'est très tendre et ça m'a beaucoup touchée. Oui. Marine. Oui, je suis assez d'accord sur la relation mère-fille qui est vraiment très touchante. Et voilà. Par contre, là où je rejoins aussi Fiona sur le côté Disney Channel, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on a un film très chronique où on la suit avec ses amis et il y a beaucoup de scènes où voilà, ils sont ensemble, ils déconnent, ils vont au diner et ils se jettent de la nourriture et puis ils rigolent. Enfin, il y a beaucoup de scènes un peu clippées comme ça qui pour moi, jouent sur les clichés du coming of age et du film teenage, mais qui me propose rien d'autre. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir vu ce film un peu 50 fois. Même si les scènes sont touchantes et la relation avec sa mère, et voilà, il y a des belles propositions effectivement quand elles vont visiter ces baraques hyper friquées et qu'elles auront jamais. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir un espèce de pot-pourri de plein de choses intéressantes, de sujets intéressants. Par exemple, le fait de pas pouvoir se payer une fac parce que c'est très cher et il y a le problème de la dette étudiante aux États-Unis qui est un problème énorme. C'est juste évoqué et puis au final, elle le règle assez vite parce que elle obtient sa bourse et puis elle y va et voilà. Mais c'est pas traité. En fait, pour moi, c'est un peu le problème global du film, c'est-à-dire qu'il y a des conflits qui sont posés et qui à chaque fois sont évités et où c'est pas traité jusqu'au bout, c'est pas filé jusqu'au bout. C'est comme si elle avait pas choisi en fait un sujet vraiment et que elle effleurait un petit peu tous les problèmes de cette époque-là de l'adolescence, mais sans aller au bout du questionnement et sans aller au bout du sujet. Moi, ça m'a. Enfin, j'ai fait le parallèle avec Juno, que j'avais beaucoup aimé ce film. Et pour moi, dans Juno, c'est pareil. On a un peu ce type de personnage très décalé, vraiment le weird. Enfin, voilà, qui n'agit pas comme tout le monde, qui ne pense pas comme tout le monde. Mais il y a un vrai sujet dans le film, parce que le film n'est pas autour du fait qu'elle soit décalée. Le film parle de c'est quoi d'être une mère et de la maternité, etc. Et là, dans Lady Bird, moi, pour le coup, je me suis ennuyée. Parce que je ne voyais pas ce qu'elle essayait de me dire, à part oui, effectivement, elle est en train de devenir adulte et ça se passe sous tes yeux, quoi. C'est un peu, pour moi, c'est un peu faible, en fait, pour tenir l'intérêt sur l'intégralité dans le film. Fiona. Déjà, je voulais dire que sur la relation mère-fille, j'étais tout à fait d'accord. C'est le point positif pour moi du film. Je les trouve très touchantes. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement plu. C'est quand elle essaye sa robe aussi elle choisit sa robe pour son bal de promo et elle lui dit oui, genre, mais je sais que tu m'aimes, mais est-ce que je te plais ? Est-ce que tu m'aimes bien en tant que personne aussi ? Je trouvais que c'était très touchant de savoir si on aime ses parents et ses enfants. Pour qui ils sont, outre le lien familial qui nous unit. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'elle nous parlait de ce que, en devenant adulte, on doit prendre et laisser de son éducation, de son enfance. Parce qu'il y a quand même cette scène à la fin où elle va... à l'église, donc elle se dit finalement, elle se moquait d'aller à l'église, puis finalement elle se dit ah, c'est peut-être une petite partie de moi que je veux garder, ça aussi. Donc je pense qu'elle fait un peu le tri dans ses combats et dans ses sujets. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment pas compris moi dans le film et qui m'a dérangée. Pourquoi Lady Bird ? Non, mais vraiment. Elle s'appelle Lady Bird, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle veut absolument son ce surnom d'artiste. Oui, mais elle n'est pas artiste. Mais c'est hyper symbolique. C'est un trip. Oui, c'est un trip. Déjà, l'oiseau, c'est typiquement, elle veut voler de ses propres ailes. Après, c'est hyper basique. Et aussi, surtout, c'est un nom qu'elle choisit de se donner, elle. Et c'est une volonté d'émancipation. C'est-à-dire que sa mère l'a appelée Christine. Elle ne veut pas que les gens l'appellent par le nom que sa mère lui a donné. Oui. Et à la fin du film, elle lui dit c'est Christine. C'est la première fois qu'elle dit son nom. Et elle dit it's a fine name. c'est un bon nom que tu m'as donné. Et c'est une réconciliation, pour moi, c'est juste symbolique, en fait. Je suis assez d'accord sur Lady Bird. C'est vrai qu'on se pose la question pendant un moment dans le film, et puis au bout d'un moment, on lâche parce que c'est plus vraiment c'est pas l'intérêt du film. Et je vois vraiment le film comme un film sur le rejet de nos familles qu'on peut trouver trop encombrantes, trop chiantes, et finalement on se rend compte que ça nous donne aussi une richesse. Et à la fin, elle retourne, elle est à l'église. Christine, c'est quand même pas, c'est assez symbolique aussi comme prénom, et oui, elle s'est émancipée, elle est Christine, mais avec tu parlais de tri tout à l'heure, oui, il y a un vrai, pardon, c'est toi Fiona, il y a un tri sans être non plus dans la rupture. Et la première scène ou deuxième scène, quand elle ouvre cette porte et qu'elle se jette, ça c'est la rupture mais incarnée. Et je trouve que ce film il est assez touchant là-dessus. C'est un gros plagiat de Steve Carell. Steve Carell dans Crazy Stupid Love, qui sa femme lui dit je divorce et il sort de la voiture en marche. Et je sens exactement la même scène. C'était plus drôle. Et tu as demandé si elle n'a pas fait un hommage d'ailleurs à Mais c'est Steve aussi Carell. Peut-être, comme on parle de cette scène, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être un artifice, comme c'est pas un film à enjeu fort, c'est pas un enjeu vital d'aller étudier sur la côte est. C'est pour montrer à quel point c'est vital pour elle. Quand sa mère lui dit non, quand même, elle menace de se tuer, quoi. Bah, donc c'est pour montrer aussi, attention, ouais, c'est quand même un enjeu fort pour elle. Bah, l'enjeu vital, il est sur sa relation, c'est ce que tu disais, sur l'émancipation avec sa mère. C'est que elle est là, en fait, c'est qu'elle doit, quitter le domicile, elle doit quitter sa mère pour qu'enfin elle puisse comprendre. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le cœur du film, parce que outre le fait que c'est encore une histoire d'une adolescente qui va passer au monde adulte, moi c'est la relation mère-fille, quoi. C'est vraiment ça. Et les deux meilleures scènes du film, c'est pour moi le moment où elle refuse de lui dire au revoir quand elle parle à l'aéroport. Je trouve qu'elle abuse un peu parce que, d'accord, elle s'est inscrite, même pas dans ton dos, le père était complice. On dirait qu'elle a l'impression qu'elle a acheté toutes ses économies à la rue. Elle s'est juste inscrite à une fac, on se calme. Donc cette première scène où elle refuse, et finalement elle le regrette et elle vient chez, et l'autre où elle lui laisse un message. Et pour moi, tout est dit dans cette scène, disons qu'on n'arrivera jamais à communiquer, toi et moi, enfin du moins pour l'instant tant que je suis adolescente, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. Et pour moi, c'est le message du film. Si vous les aimez, mais tant pis, on n'arrive pas à communiquer, c'est comme ça, ça arrive, mais on y arrivera plus tard. D'ailleurs, elle communique par message interposé, en fait, parce que elle a le message et les lettres. Ça, c'est ça. Elle n'arrive pas à dire, elle l'appelle, elle répond. C'est ça, une lettre, c'est ça. Pareil, il y a des petites touches très touchantes. Là, dans le coup que le père a récupéré toutes les lettres froissées qu'elle n'a pas réussi à écrire et puis qu'elle lui envoie, ça marche super bien, ça. Enfin, ouais. Marine. Justement, je rebondis sur le père. Aussi, ce que j'ai trouvé très touchant dans ce film, c'est que les personnages secondaires, je les ai trouvés quand même très bien, très très beaux, très nuancés. Notamment le personnage du père qui m'a beaucoup touchée, et même le personnage de la mère. En fait, je devrais peut-être pas dire ça, c'est parce qu'un jour elle tombera peut-être sur le podcast, mais ma mère m'a vraiment fait penser au. Enfin, le personnage m'a fait beaucoup penser à ma mère. Et je trouve que c'est des personnages, j'avais pas l'impression de les voir très souvent, qui sont détestables en même temps attachants, et ils sont très bien travaillés, les personnages, elle, je trouve. Lady Bird, elle est exactement comme ça. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, sa mère passe le film à lui dire qu'elle est extrêmement égoïste, qu'elle ne pense qu'à elle, et en soi, tu dis oui, elle a plutôt raison. Effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça en fait un personnage qui est pas du tout manichéen, quoi. Il faut quand même qu'on parle du problème scénaristique de ce film. Elle n'a aucun conflit. Il n'y a rien. Sa mère est un gros con. Avec un mec, soit il est gay, soit c'est un connard. Oui, mais justement, c'est quand même un peu difficile. Non, mais déjà, les mecs, elle en choisit un au hasard. Ah oui, tous les mecs problème. Tombent amoureux d'elle. Enfin, dès qu'elle est là, sans aucun problème. Non, mais la même où c'est symptomatique, c'est avant, elle fait une blague, je me rappelle plus exactement laquelle, à une bonne sœur, je crois qu'elle accroche quelque chose derrière sa voiture. On se dit, oh là, les conséquences vont être énormes. Tombe la bonne sœur, oh non, ça m'a fait rire. Ok, bon, bah, fin du conflit, merci d'être passé. Après, je pense pas que ce soit l'objectif de ce film de jouer tous les conflits. C'est, comme tu disais, c'est une chronique, je pense qu'elle assume totalement ce choix de style, c'est son style. Et déjà, je trouve que par rapport à Frances Ha, qu'elle avait écrit avant, qui était vraiment une suite de scénettes sans aucun lien, et comme tu dis, sans aucun conflit ni objectif, là, on a quand même énormément de conflits et d'objectifs. Je trouve qu'elle a déjà fait un énorme step-up par rapport à son film précédent. Et par rapport aux conflits, c'est des conflits à hauteur d'adolescente. C'est-à-dire que pour un refus, elle est capable d'ouvrir la porte de la voiture et de se jeter, et là où c'est pas le conflit principal, où c'est même une surprise en fait, j'ai trouvé ça assez malin, cette scène de la bonne sœur, je me suis dit, oh là là, ça y est, il va... Et ben non, voilà, c'est pas ça l'enjeu du film, on est sur des conflits adolescents. Mais ouais, moi je trouve que c'est quand même le problème, c'est-à-dire que Greta Gerwig, je pense qu'elle est très douée, en tout cas là dans le scénario, pour les détails en fait, pour les petites touches que tu as dans chaque scène, que ce soit émotionnellement avec sa mère, ce que tu disais avec la robe, enfin pour certains dialogues, pour certains moments comme ça qui sont vraiment extrêmement touchants et qui... Ouais, qui touche quelque chose chez toi. Par contre, sur l'intégralité du film, on est quand même dans une chronique et moi je trouve que ça manque d'intrigue, que ça manque de conflit, quoi. Fiona, et on finira avec toi. Je pense juste que t'as raison quand tu parles des détails et tout ça. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ça se passait en 2002. Quel était l'intérêt de mettre ça en 2002 ? Si ce n'est, il parle un petit peu des World Trade Center. Ça se passe en 2002 parce que la réalisatrice a fait son adolescence en 2002 et qu'elle a raconté exactement sa vie. Hein. Exactement, c'est pour ça que je pense que si les détails sont bien c'est sentis, c'est parce qu'ils sont vrais et qu'ils sont vécus et du coup, ça nous touche parce qu'on sent que la démarche est sincère. Voilà. Et je pense que c'est la seule justification et effectivement, à ce que, comme tu dis Guillaume, à ce que cette histoire se déroule en 2002. Ben on va finir par un tour final pour savoir ce qu'on a pensé du film en deux phrases. Marine ? Moi je n'ai pas spécialement aimé, enfin ça se regarde, mais j'ai pas de scène mémorable qui me reste en tête. Et ça, tu le regarderas pas tous les ans en DVD ? Non, je le regarderai pas. Très bien, Rumix ? Moi je le regarderai en DVD et j'ai été très touchée. Ok, Sarah ? Moi, je le reverrai avec plaisir aussi. Je recommande ce film. Je trouve qu'il est frais, même s'il y a une extérieur de simplicité, je trouve ça, mine de rien, très très dur à faire. Et du coup, je suis assez admirative de son boulot, pour le coup. Ok, Fiona ? J'ai trouvé ça très agréable à regarder, mais rien de révolutionnaire et qui ne mérite pas autant d'éloges. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, la première heure, je me suis vraiment ennuyé. Et bizarrement, la dernière demi-heure, je me suis laissé entendre dire « Ah, en fait, c'est pas si mal. » Alors que j'avais détesté la première heure. J'ai regardé ma montre 4 fois parce que je me suis ennuyé profondément. Est-ce que tu cherchais les turning points de ce scénario ? Non, je cherchais un conflit. Je me suis dit « Il va peut-être lui arriver quelque chose. » Non, mais pour une dernière qualité, je me suis dit « On va encore avoir le droit à la... » Adolescente renfermée sur elle-même qui dit rien. Non, au moins, elle a de l'aisance, elle s'inscrit à l'école de théâtre, elle chante et tout. Dès qu'un mec lui plaît, elle va lui dire. Ça, au moins. Prenons d'ailleurs. Au moins, c'est agréable. Ouais. Ça, en termes de personnage féminin, c'est quand même très appréciable. Ouais. Et c'est un peu à contre-pied, justement, du cliché Disney Channel où je la trouve quand même à contre-courant de pas mal de choses. Même si, il y a quand même les poncifs du film américain. On s'arrête là pour Lady Bird et on passe à The Disaster Artist. Écrit par, alors ça va être compliqué de dire leur nom, Scott Neustadter et Michael H. Weber, à qui on doit Sans Jour Ensemble, qui était une de mes comédies romantiques préférées. Et c'est Marine qui va nous le pitcher. Oui, alors... Et sans notes. Essayer sans notes de pitcher ça. Alors, The Disaster Artist, c'est l'histoire de Greg qui est un jeune mec qui veut devenir acteur et qui rencontre dans un cours d'acting un type étrange qui s'appelle Tommy Wiseau et ensemble ils vont décider de partir à Los Angeles et en fait Tommy il est blindé de thunes et il va produire son propre film qui s'appelle The Room et qui va devenir culte parce que c'est extrêmement mauvais mais à un point inimaginable et c'est en fait un film autour de la personnalité de Tommy Wiseau et de sa relation avec Greg son ami qui va le suivre comme ça jusqu'au bout du tournage de ce film catastrophique. Oui, à la base, The Room est un film culte dans notre vraie vie parce que c'est considéré comme un des plus grands nanars de l'histoire et ce film raconte la production et le tournage de cette catastrophe ambulante. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Pour moi, je préfère donner mon avis à la fin parce que je l'ai vu il y a une heure à peu près. Mais moi aussi. Justement. Et du coup, je me demande encore ce que j'en ai pensé. À part que je ne suis pas du tout rentrée dedans. La première chose que je peux dire, c'est peut-être que j'ai l'impression qu'il y a un problème de point de vue. Que en fait, je me suis attachée ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire ni au jeune mec qui veut à tout prix devenir acteur et suivre cette nouvelle idole à Los Angeles comme un peu un grand frère, comme un mentor, ni au mec complètement taré qui est Tommy Wiseau, qui est pour moi une espèce d'Edouard aux mains d'argent, mais qui me touche beaucoup moins. Donc je sais pas, j'ai l'impression que j'étais jamais complètement avec le frère de James Franco, hein, je sais plus son nom, Babyface comme il l'appelle tout le temps, ni complètement avec Tommy Wiseau. Et en fait la salle ne riait pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses drôles, mais en fait comme c'est pas complètement une grosse comédie et c'est pas complètement un film très touchant, en fait l'intention n'est pas claire, si tu veux. C'est-à-dire que apparemment on devrait être touché, on devrait rire, mais moi j'ai ressenti à peu près ni l'un ni l'autre. Ah bah pour moi l'intention est très très claire de ce film, c'est James Franco et son frère se sont fait un délire. Ouais, voilà. Ils avaient du fric, ils ont adoré cette histoire, clairement, ils le regardent à tous les Noëls, là pour coup, ils regardent le DVD tous les ans, ils adorent ce film, ils ont du fric, ils se sont dit, mais c'est un personnage super, on va en faire quelque chose de magnifique, et ils sont offert un délire à 30 millions de dollars. Ouais, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un personnage super, bah, je trouve que c'est ça qui est raté. C'est-à-dire que, oui, il est étrange, enfin, je veux dire, c'est un type, on ne sait pas d'où il vient, il dit qu'il vient de la Nouvelle-Orléans, mais il a un accent d'Europe de l'Est à couper au couteau, il a une fortune considérable dont on ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, il lui dit à un moment dans le film, mais d'où tu viens, quel est ton nom, quel âge tu as, il ne veut pas le dire. Et à aucun moment, le scénario ne s'accroche à ça, n'essaye de rentrer en fait dans la tête de ce type, dans l'histoire de ce type, pour te le faire découvrir et effectivement comprendre pourquoi, en quoi est-ce qu'il pourrait être attachant. Ah, mais c'était pas lui le protagoniste. Final, bah, c'est pas lui le protagoniste. Ils arrivent pas à choisir. En même temps, ils se baladent un peu entre les deux. La relation, le scénario est assez clair. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de parler de la relation entre ces deux garçons-là. Mais le protagoniste reste quand même Babyface. Oui, si tu veux, mais c'est pas... Moi, là où je trouve que c'est dommage, c'est que c'est trop sage. C'est-à-dire qu'on a un film culte catastrophique et qu'à aucun moment, le scénario de Disaster Artist n'est à la hauteur de celui de The Room. Parce que c'est... On a envie de quelque chose qui te propose... quelque chose de beaucoup plus démentiel, où on va réussir à rentrer dans ce personnage à un point de vue original, quelque chose d'intéressant. Et là, c'est extrêmement convenu, en fait, de bout en bout. Ok, Fiona ? Moi, je suis assez d'accord. Je ne sais pas quoi en penser de ce film, parce que j'ai pris plutôt du plaisir à le regarder. C'était sympathique. Après, on l'oublie assez vite. Hein, ça ne sera pas culte, contrairement à The Room. C'est ça, en fait. Et ouais. On a, pour moi, pour les personnages, on a un peu l'effet Mozart Salieri dans Amadeus, c'est-à-dire qu'on a le protagoniste qui est Greg, c'est son point de vue qu'on suit, et le personnage principal qui est Tommy. Oui, pour moi, ça n'a rien à voir avec la relation Mozart Salieri. Non, c'est là où c'est trop sage. C'est une relation d'ennemis. Ah. En fait, c'est là c'est un film sur l'amitié. Enfin, vraiment, ils ont voulu en faire ça. Non, ce que je voulais dire, c'était juste pour le point d'ancrage du scénario, pour moi, il est plus sur Greg qui regarde Tommy être fou. Mais le problème, ce qui est très casse-gueule avec un personnage fou, qui en plus a existé, c'est qu'il faut qu'on y croit quand même, mais il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Enfin, c'est très casse-gueule, moi, je pense, comme sujet d'aller sur un nanar qui est très culte. Et, effectivement, regarde Ed Wood. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Ed Wood, c'est complètement barré. Moi, j'ai vu, mais j'ai pas du tout accroché. Je pense que ce sujet ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas réussi de faire des vrais bons films, en tout cas, ce qu'ils essayent de faire, sur des nanars ou sur la fabrication de nanars. J'ai l'impression, comme tu dis, c'est un fan-film, un peu. Et on a l'impression que c'est leurs potes qui viennent jouer dedans, mais... C'est leurs potes. Et qu'ils accumulent les moments de bravoure. Mais qu'en dehors de ça, ils ratent quelque chose. Et tu te poses un peu la même question. Moi, j'ai pensé à Aitonia. Parce que Aitonia, il y a une vraie proposition avec les passages où ils font parler les personnages comme si c'était dans un reportage télévisé. Enfin, voilà. Et où à la fin, tu as aussi les moments documentaires où tu te dis, ah, c'est les vrais personnages et tout. Et là, en fait, moi, j'avais envie de voir The Room. C'est pareil, t'attends à la fin du générique. En plus, c'est très bizarre parce que dans le générique de fin, il a mis parallèlement les deux images, c'est-à-dire l'image de lui de Disaster Artist qui retourne les scènes et les vraies images de The Room. Et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien parce que tu te demandes quel est le propos. Est-ce que c'est pour montrer à quel point il a bien copié The Room ? Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est exactement ça. Pour moi, je pense, ce film, et c'est pour ça qu'il n'est pas désagréable, j'ai envie de dire, c'est aussi de la sincérité de la part de James Franco qui, effectivement, s'est tapé adore ce film avec son frère et s'en dit, c'est génial, on va le refaire, quoi. On va le refaire et regardez comme on le refait bien, on s'est trop amusé à le faire. Donc tu te dis, c'est chouette parce qu'on voit qu'il s'amuse et que c'est fait avec une bonne intention, je pense. Mais là, on se pose la question de, montrez-nous The Room et montrez-nous peut-être, si on pouvait l'avoir, le film qui a été réalisé sur le tournage, puisqu'apparemment il y en a eu un. Il y a quelqu'un qui a été apparemment payé pour faire le making of. Donc c'est presque ça qu'on a envie de voir. À la limite, ça aurait été un bon point de vue, moi je trouve, de faire le scénario de ce type qui a filmé le backstage, enfin les coulisses de The Room, mais qu'il aurait pu former le film, former le scénario de ce point de vue-là, ça aurait pu être. Au moins, ça aurait été une proposition. Mais justement, en fait, moi, ce qui me manque par rapport à un documentaire ou quelque chose comme ça par rapport à ce film, c'est un peu de fiction en fait. Ça me manque de choix artistique où, allez, on va dire d'où il vient son fric, allez, on va dire d'où il vient ce type-là. Allez-y, inventez quoi. C'est presque ça que je voudrais voir. C'est comme, on a un petit peu, moi après sur le scénario, il y a des choses que j'aurais peut-être voulu voir plus développées, par exemple l'amour un peu homosexuel quand même, hein, de Tommy pour Greg. Transition. Non, mais c'est dans les personnages, voilà, on le touche, on ne sait pas trop, il est très jaloux. On a quelque chose qui pourrait être intéressant et... Ah ouais, ah non, une énorme faille dans le personnage, exactement. Parce que visiblement il n'a jamais fait l'amour. Oui, hein. Parce qu'il y a cette scène où il fait semblant de coucher avec l'actrice et où t'as Seth Rogen qui est là, mais pourquoi est-ce qu'il fait l'amour à son nombril, est-ce qu'il sait où est un vagin quoi. Et tu dis bah oui c'est intéressant. Il la respecte trop pour ça. Non mais traitez-moi de naïf, mais j'ai pas vu une relation homosexuelle. Moi je crois comme tu dis, il l'aime tellement et tellement la scène où il dit ouais, je vais vivre avec ma copine, il fait ah non désolé il y a pas de passeport 3 chez moi, il est sincère. Il dit non t'es mon pote, on vit tous les deux. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement seul dans sa vie. Et là, il a trouvé un pote qui, en plus, il avait raison. Parce qu'il y a tout ce dilemme qu'il a où t'as le mec de Malcolm qui lui propose un rôle et qui lui dit « Viens, tourne dans Malcolm ». Le seul conflit du film. Oh non, non mais là, t'exagères. C'est le grand dilemme de ce mec-là. Oui, c'est un grand dilemme. Et puis, il choisit la loyauté. Alors, on nous sous-entend quand même que s'il avait fait Malcolm, sa carrière aurait décollé. On sous-entend ça. Et en plus, il perd sa copine. Donc, c'est vraiment un choix. Il choisit l'amitié plutôt que sa carrière et sa meuf. T'as raison, c'est un film sur l'amitié. Mais c'est ça aussi, j'ai eu un problème avec Greg et avec les choix de Greg. Ah oui. Et ses motivations, parce qu'à un moment, vraiment, il se dit aussi que c'est pas possible, il en a marre de Stomy, c'est sûr, quoi. Et déjà, j'ai un problème de lecture au moment où, justement, il lit le scénario, Greg. Il le lit, il doit bien voir que c'est la pire bouse qu'il a jamais lue de sa vie. Et on sait pas ce qu'il ressent, là. On le fait, et on lui dit, ouais, je vais le faire moi-même. Il est tout de suite très enthousiaste. Et il dit. On voit quand même qu'il a pas aimé. Enfin, ça se voit, mais comme il est. Mais on sait pas vraiment. Pas le blesser, parce que c'est tout ça, hein, le principe de leur amitié. C'est que lui, Greg, à aucun moment, en fait, c'est un mec qui n'aime pas le conflit. Mais oui. Il veut surtout pas blesser son pote, c'est son ami, il lui doit beaucoup de choses. Il lui doit beaucoup de choses. Il doit de l'argent. Mais c'est son mentor. Enfin, vraiment, c'est ce que tu dis, c'est son grand frère, quoi. Mais il y a un moment, à ce moment-là, j'aurais presque voulu voir, quand même, il se dit, il pourrait aussi essayer de l'en dissuader. De faire ce nanar. Alors, moi, ça, c'est un truc. Ce nanar. Ah non, t'as dit truc. Mais t'étais pas en train de parler. Donc. Il pourrait essayer de l'en dissuader, de faire ce nanar. En essayant de mettre les formes, ça aurait pu être sympa. Oui. Mais d'un autre côté, j'aurais préféré voir ce moment-là avec Greg vraiment au fond du trou. Voir justement les refus et les claques dans la gueule qui s'est pris par les producteurs et il se prend des noms. Il nous le dit, moi j'arrête pas de me prendre des noms. Mais nous, tout ce qu'on a vu, c'est ses succès. On a vu qu'il est allé voir un agent et elle a dit c'est bon, je te signe, même si. Oui, la scène avec l'agent est très bizarre parce qu'elle dit oui tout de suite, elle a l'air un peu cinglée. Mais... Il n'y a jamais de payoff de cette scène. C'est-à-dire que cette scène, elle est placée là, mais elle n'est jamais reprise ensuite. Il n'y a aucune histoire sur cet agent et du coup, on s'en fiche en fait. Je pense que c'est pas pour montrer que, à mon avis, ça doit être une critique de beaucoup d'agences qui te prennent sur ta gueule et qui te regardent comme un cheval, quoi. Mais du coup, ça fait un tout petit peu private joke du business. Enfin, ouais, mais je suis d'accord avec ça. Fait, ok, bon, so what, les mecs te prennent pour un cheval, mais bon. Ce film est une private joke énorme. Bien vu. C'est vrai. C'est vrai. Marine, vous l'aidez. Hein. Non, c'était par rapport à ce que disait Fiona sur l'amitié et que Greg avait des choix un peu contestables. Moi, le truc... Ah, ce qui m'a frappé. Non, Fiona. Et justement, je reprends la main, du coup. Donc oui, j'aurais préféré qu'on le voit se planter et quand il est au fond du trou et que son pote lui dit « Moi, j'ai écrit cette merveille et je vais la tourner moi-même » et qu'ils disent « Bon, bah ok, fuck it, on y va, on le fait, quoi, puisque personne ne veut de nous, imposons-nous nous-mêmes. » Bah, il y a un peu ça. Voilà, mais on ne voit pas assez, pour moi, galérer. Être au fond du trou pour accepter ça. on va dire. La scène où il va dans le restaurant, puis il importune le producteur et qu'il lui joue, là on comprend qu'il est foutu. Oui, mais ça c'est Tommy, c'est pas Tommy. Greg. Oui, non mais Greg, c'est vrai qu'il manque quelques scènes où on devrait voir Greg vraiment dire son avenir est bouché. Greg, c'est le saint d'esprit. Enfin, par rapport à Tommy, mais Greg, son ami, son avenir n'est pas bouché. Parce qu'il lui dit, à un moment, il voit un autre acteur, là il y a une fête sur une terrasse, et l'autre acteur dit si tu ne marches pas, c'est parce que tu es avec Tommy et que tout le monde a peur de lui et que ça entache. Il lui dit tout le monde, il y a du boulot tout le temps, il n'y a pas de basse saison, donc si tu ne trouves pas du boulot, c'est que c'est toi. Moi, c'est ça que j'ai compris. Hein. C'est que tout le monde y travaille sauf toi. Sarah. Voilà, je suis en train de mettre le doigt sur ce qui me gêne. Il était temps, on a bientôt fini. C'est que c'est un protagoniste qui est lâche, qui est veule, qui ne veut pas vraiment devenir acteur, d'ailleurs c'est ce que lui dit sa prof dès le début, et qui reste petit garçon tout le film. On a l'impression que c'est un peu la babysitter de ce taré, de ce freak, et résultat c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment envie de le suivre, parce qu'on n'est jamais d'accord avec ses choix. Et voilà, moi je pense que c'est ça qui m'a gêné le plus. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant de dire le mot interdit, c'est-à-dire que moi, le personnage de Greg, à un moment je me suis dit je ne le suis plus, parce qu'il ne dit jamais à Tommy « Tu vas te prendre un mur, je préfère te le dire moi parce que je suis ton ami, donc il vaut mieux que ce soit moi qui te le dise plutôt que 500 personnes dans une salle qui voient ton film. » Voilà, de te dire « Tu fais fausse route, quoi. » Parce que c'est un film sur l'amitié, ça c'est une des valeurs de l'amitié, c'est l'honnêteté. Et à aucun moment, il est honnête avec lui. Et c'est moi, c'est ça qui m'a fait lâcher le personnage. Ouais, aussi, je trouve que c'est une valeur pourrie, quoi. Fiona, tu finiras. Oula, alors j'ai encore une grosse responsabilité. Du coup, j'ai deux choses à dire. La première, c'est pareil, Greg, moi je le lâche, donc je comprends pas pourquoi il se lance dans ce film, mais admettons. Et je lâche vraiment sur cette histoire de Malcolm, donc quand il voit Bryan Cranston qui lui propose un petit rôle. Et là, j'aurais bien voulu justement que le conflit soit un peu plus fort, parce que pareil, pourquoi il accepte de suivre Tommy qui lui dit fais ce que tu veux, libre à toi, c'est sur ta conscience, franchement va-t'en quoi, enfin clairement. Et j'aurais préféré à la limite l'avoir un Tommy un peu plus malsain, encore plus si c'est possible, un peu plus méchant, qui lui dit peut-être c'est dans ton contrat, enfin, et si tu y vas tu pourras plus revenir jouer dans mon film et t'auras que tes deux petits épisodes de merde, et enfin quelque chose, je sais pas, qu'il le menace un peu plus, qui quelque chose de plus complexe, quoi. Ouais, peut-être. Et donc ça, et en fait, ce qui m'a aussi dérangé dans le film, vraiment beaucoup, c'est la fin, avec la projo du film, où là, je décroche complètement du film, parce que ces rires hystériques de la salle, non, je n'y crois pas du tout. Mais bizarrement, c'est ma scène préférée, ouais. Ah non, mais moi, je n'y crois pas, parce que pour moi, un film culte devient culte avec le temps, avec ça le temps. Se construit. Oui, mais... Et là, la salle qui fait « Oh là, d'un coup !» Et tout le monde rit aux éclats à chaque scène. À la limite, j'aurais bien voulu voir le film se planter et montrer une ellipse pour montrer que comment ils sont quand même devenus cultes avec le temps. Ce que disait Sarah sur les nanars, c'est que ça c'est un genre, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et c'est ça qui aurait été intéressant à montrer. Là où c'est raté. C'est ça qui aurait été intéressant à montrer, c'est comment tu deviens un nanar, comment tu deviens culte. Non, mais là, ça aurait été un autre sujet. Parce que dans la vraie vie, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il le dit, je crois qu'il y a un panneau qui dit qu'il a apporté 1 800 $ la première semaine et qu'il a mis quasiment 10-15 ans avant d'être bénéficiaire. Mais il comprend-le, il fallait qu'ils ellipsent. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je m'étais renseigné après, Wissau, il a dit oui, non, mais en fait, j'ai voulu faire une comédie, tout ça, mais il l'a dit des années après. Là, ils ont fait une ellipse, ils ont dit je vais le dire tout de suite pour conclure le film et arrêter. C'est-à-dire, on va aussi arrêter et on va finir par ce bilan de ce film. Marine ? Je le conseille parce que c'est quand même sympa à regarder. C'est en fait là où quand même il y a quelque chose qui m'a plu, c'est que c'est extrêmement embarrassant et c'est très réussi. Et tu aimes l'embarras. Voilà, c'était plutôt pas mal. Ok, Sarah ? Je ne sais pas. Prenez vos responsabilités. Non, en fait, c'était à moi. Et c'est toi qui traitais le personnage de lâche. Exactement. Voyez par rapport à votre propre personnalité si vous avez envie de voir ce genre de film. Ça te met à la fois mal à l'aise, si à la fois c'est drôle. Une carte UGC. Ouais, voilà. Allez le voir si vous avez une carte UGC. Ok, Fiona. Vous passerez un moment agréable, je pense, en le voyant. Et je ne sais pas si la morale de ce film était faites de la merde, mais faites-le. Enfin, faites-la plutôt. Ou tout est possible tant qu'on a du fric. Je sais pas, il y a un peu des deux. Il y a sûrement des choses à en tirer, mais je voilà. À vous toujours beaucoup de choses des mauvais films. À vous de choisir votre conclusion. Pour Seth Rogen qui est plutôt marrant. Oui, Seth Rogen. Une très bonne scène. La scène où il va encaisser son chèque. Oui, ça c'est ça. Il est persuadé qu'il en soit. Écoute, elle est vraiment très bien. C'est celui que je trouve le plus juste en fait. Oui, tout le film. Il est blasé de bout en bout. C'est génial. Ouais, c'est bien. Et puis moi, je dis, regardez-le si vous aimez l'amitié et que vous voyez comment deux frères peuvent claquer leur pognon en faisant un film. C'est une belle leçon sur la famille. Et on va finir avec le gros morceau du podcast. Excusez-moi, j'en ris d'avance. Le sujet brûlant. Le sujet brûlant. Direction Metaphor City avec Call Me By Your Name. Écrit par James Ivory et basé sur le livre d'André Assiman ou Assiman, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et c'est Sarah qui va nous pitcher ce chef-d'œuvre. Alors, c'est l'histoire d'Elio, 17 ans, qui passe tous ses étés dans la demeure familiale en Italie, dans une famille de gens très cultivés, polyglottes, et où chaque année, le père, donc, qui est professeur, accueille un étudiant étranger qui reste pendant quelques mois à étudier et lui servir d'assistant. Il se trouve que cette année, l'étudiant, c'est Armie Hammer, qu'il a 25 ans, chemise ouverte, sensuel, et en plus d'être très beau, il est très sûr de lui. Et il va faire chavirer les cœurs de tout le monde dans cette demeure, y compris celle de Elio, donc il va complètement lui faire tourner la tête et ils vont vivre une romance dévastatrice et violente qui va durer le temps d'un été. Et là, ce sera la première expérience homosexuelle d'Elio. Alors ça, c'est ce que j'appelle du pitch préparé. T'as vu. Bon, alors, que dire sur ce film ? La défense par l'an dernier. Oui. La défense par l'an dernier. Bon, alors, on va commencer par ceux qui ont aimé ce film. Marine ? L'attaque. Ah. Moi, je te donne pas mes arguments pour que tu... non. Alors, que dire sur ce film, si ce n'est que c'est typiquement le film de réalisateur où, en fait, il n'y a pas de scénario. J'aimerais bien voir le scénario de film qui doit faire, je sais pas, environ 4 et 5 pages, avec marqué... Il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Oui, scandale. C'est triste. À mon avis, le scénario a écrit, bon, bah voilà, il y a deux mecs, et puis laissez faire le réal, on verra bien, il trouvera une idée. Voilà. Et l'idée, son idée, quand même, pour moi, la scène symptomatique du film, c'est quand les deux mecs font du vélo, et la caméra s'arrête, et les deux vélos partent, comme ça, et elles durent 40 ou 50 secondes, et on les voit passer. C'est terrible. Cette scène, elle est terrible, vraiment. On les voit partir et ça dure avec une petite musique au piano, mais t'as envie de tuer les gens autour de toi, t'as envie de mourir vraiment. Alors je Remix. Prends la parole du côté attaque constructive. Merci Remix. Non, en fait moi je suis un peu embêtée parce que c'est le genre de film que j'ai envie d'aimer vraiment parce que le sujet me touche comme Daniel Levy. Voilà, le merci Fiona. Le sujet me touche et c'est le genre de film que j'ai envie d'aimer, mais purement en termes de scénario. Alors, on parlait de Lady Bird qui manquait de conflit, mais pardon les gars, oui. Le conflit, excusez-moi, mais l'homosexualité dans cette famille hyper tolérante, hyper ouverte d'esprit, polyglotte. Alors, encore autre chose, moi je me suis sentie très à distance des personnages. Alors, encore par rapport à Lady Bird, est-ce que c'est parce que j'ai jamais eu une maison de campagne, parce que je suis pas du tout d'un milieu cultivé que parce j'ai que pas tu été peux être pauvre Marine. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de voir une démonstration d'étalage culturel en musique, en archéologie. C'est horrible la culture. Hein. Non, mais c'est terrible. Bah, étalé parce comme que ça. C'est terrible parce que du coup, moi, les personnages ne m'ont pas touchée. J'ai eu l'impression d'être hyper à distance. Tous ces gens qui parlent trois langues. Vraiment, je suis embêtée. Je garde d'autres critiques pour plus tard. Mais en tout cas, pour commencer, juste au niveau des enjeux, moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangée. On nous évoque très rapidement que on ne parle pas de ces choses-là. Déjà, on ne les nomme pas parce que le personnage de Amy Schumer ne les mentionne pas. Amy Schumer, Armie Hammer. Ah ouais, c'est un homme. Pardon, Schumer dans le film. Ok, donc on ne parle pas du même film. Ce personnage s'appelle Oliver. Oliver. Alors, on comprend que c'est tabou dans l'Italie des années 80, mais on ne nous montre jamais ce tabou. On ne le voit pas. Ce n'est pas un problème. À aucun moment, c'est un problème, en fait. Non, si, il le dit. Hein. Il le dit dans la ville. Il dit on ne parle pas de ces choses-là. Tout est très en non-dit. Mais il fait très, très clairement comprendre qu'on n'en parle pas. Fiona. Alors, dans l'attaque, toujours. Pour moi, c'est. Alors, oui, pour moi, c'est pas un film sur l'homosexualité. Sinon, c'est encore pire que ce que je pense. Parce que. ça parle pas de ça. Effectivement, c'est pas un problème. On voit très bien que ses parents sont très cool. Bon, après, c'est un problème à accepter soi-même. Ça, c'est une démarche. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais là, il a aucun problème à accepter soi-même. Mais lui, il le cherche. Il le voit. Il est déjà. Il sait. C'est très prévisible. Ouais. Effectivement, il y a aucun conflit parce que. Attends. Donc, il se cherche pas. Il sait qu'il est gay. Voilà, il le sait depuis le début. Après, il y a quand même. Il couche avec une meuf. Oui. La veille de coucher. Non. Le jour même. Donc, il le sait qu'il est gay. Je trouve ça un peu rapide. Bon, continue. Il est séduit au moment où Oliver arrive dans la baraque. On le voit le regarder. Enfin, c'est absolument pas un suspense de est-ce que il est séduit par Oliver ou pas. Peut-être. Est-ce que je réussis à coucher avec lui. C'est pas est-ce que je suis gay et je vais franchir le pas. C'est est-ce que je vais réussir à la voir. C'est ça son enjeu. Et encore, le mec est absolument sûr. C'est-à-dire, tu les vois au bout de 20 minutes, tu fais bon, ok. Combien de temps et t'attends. Tu attends dans ce film, tu attends. Tu dis bon bah les mecs, combien de temps ça va mettre? On verra. Fiona. Oui, on m'avait coupé la parole. Alors que j'avais pas dit le mot interdit. Le mot interdit. Donc à la limite non. Peut-être qu'effectivement pour moi il le sait, mais c'est est-ce que bon ben je l'assume. C'est peut-être un peu ça plutôt le conflit. Mais bon. Mais voilà, Oliver il est OP pour coucher avec lui, ça se voit tout de suite. Et comme ils le disent à la fin du film, je t'avais fait un signal. Ben oui, clairement il a fait un gros signal au volet. Viens que je te masse, je suis docteur. Attends, il joue au docteur le gars. Non, il est pas docteur. Oui, mais il dit ça. Il dit je vais être docteur. Oui, mais c'est une blague. C'est une blague sexuelle, exactement. Une blague sexuelle de je vais jouer, viens là, je vais jouer au docteur. Oui. Donc, si Timothée Chalamet est assez bête pour dire oh, je pense qu'il est hétéro. Hein. Non, mais c'est ça, c'est le seul conflit qu'on aurait pu dire. Il sort avec une fille quand même. Donc, non, mais... ça peut poser question. Mais oui, après, est-ce qu'il a envie d'être avec moi aussi. Mais justement, c'est exactement. Il sort avec une fille la première fois parce qu'à ce moment-là, il le voit, l'autre en train de. Oliver en train de draguer une autre meuf. Il dit ah bon, bah c'est mort. Moi aussi, en gros, je vais me venger, entre guillemets, je vais coucher avec une autre fille. Ça, j'y crois. Par contre, la deuxième fois, je ne comprends pas pourquoi il couche avec la fille. D'ailleurs, excusez-moi, mesdames. Mais qui accepterait de coucher dans un matelas poussiéreux, dans un grenier? Quelqu'un qui est amoureux, Guillaume. Non, je pense pas. Parce que c'est ça le film. Enfin, pour moi, c'est pas du tout. Alors moi, c'est pas du tout les lectures que j'en ai eues. Ah, c'est parti. C'est pas un film. Chacun son tour. Merci. J'ai pas du tout eu une lecture de qui va tomber amoureux de qui. Est-ce que le sujet c'est l'homosexualité, etc. Non. Le sujet n'est pas l'homosexualité. Le sujet c'est pour le premier moi, amour. Le sujet, si tu veux, pour moi, c'est la passion, en fait. C'est pour moi, vraiment, c'est la passion aussi. C'est l'éveil des sens et comment, en fait, il a construit des relations, en fait, qui se montrent entre ces personnages d'une manière vraiment très fine, je trouve. Il y a une ambiance dans ce film qui vraiment... C'est un podcast de scénario, on n'a pas le droit de dire c'est un film d'ambiance. Alors oui, mais l'ambiance, elle répond complètement au scénario, et là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand vous dites que le scénario fait 4 pages, parce que pour moi c'est le genre de film le plus difficile à écrire, parce que justement il ne se passe rien et que c'est compliqué. Il se passe rien et en même temps moi j'étais complètement emportée, j'étais accrochée parce que tout se passe dans les sentiments des personnages et ça n'a rien à voir avec l'homosexualité ou ça n'a rien à voir avec des conflits énormes, c'est-à-dire que tout se joue dans l'intériorité et entre des regards, entre des jeux de passage d'une pièce à l'autre, etc., entre des gestes, entre du détail, et que c'est là que c'est extrêmement difficile à écrire. Et pour moi c'est ça qui fait que c'est un scénario extrêmement brillant. Sarah. Alors, pour rebondir sur ce que dit Marine, parce que je suis entièrement d'accord avec elle. Étonnamment. Alors, ce film est exceptionnel. Aïe. Le scénario est fantastique. Attends, tu vas me laisser parler. On vous a laissé parler. Non. Alors, et en fait, il ne s'agit pas d'un film, en effet, avec des enjeux primaires aussi forts. Mais comme tu dis, c'est un film de sous-texte, avec très peu de gras dans les dialogues, avec des dialogues très justes, fins, qui sont jamais justement embarrassants ou qui se... À chaque fois, c'est toujours dans le sous-texte, c'est toujours dans les relations, dans les regards, dans les rapports qu'ils ont l'un avec l'autre, dans tous les non-dits. Et je trouve que, comme tu le dis, c'est très très difficile à faire. Et comme je suis en train de lire le livre en ce moment même, je peux vous dire qu'ils avaient dû bien galérer à écrire un scénario à partir de ça, parce qu'on est tout le temps dans la tête d'Elio, on est tout le temps dans son désir, et autant le livre est vraiment sur le désir d'un adolescent, autant le film, c'est pour moi sur la passion de ce gamin qui tombe fou amoureux de ce type. Et je trouve que la sensualité et la tension qu'il y a dans le film, parce que pour moi je l'ai aussi vécu avec une sorte de suspense. Je suis désolée, tu dis qu'il n'y a aucun suspense, qu'ils vont sortir ensemble, sans doute, mais en fait moi c'était pas à quel moment ou pourquoi, c'était vraiment le comment, c'est ça qui m'a intéressée. Je voulais connaître toutes les étapes, je voulais savoir qui allait faire le premier pas. Et en effet, on a un personnage qui est finalement beaucoup plus actif dans le livre, qui ça c'est une info, ouais c'est vrai, et qui en effet va draguer la fille, qui va avoir sa première fois avec elle et qui va oser avouer son amour, enfin en tout cas ne pas, enfin la dire, ça se passe aussi dans un non-dit, mais à Oliver, à l'objet de son désir depuis le début, quoi. Marine. Alors oui, juste par rapport à l'ambiance, je pense que c'est quand même très important d'en parler, parce que tu peux pas dire que l'ambiance c'est juste réservé au réalisateur. Nous scénaristes, je suis désolée, mais on est quand même obligé. C'est Guillaume. Guillaume qui disait on est scénariste, on peut pas qui parler. Qui a osé dire ça? Et justement, donc je suis d'accord avec toi, Marine, et aussi d'accord avec le fait que le scénario ne tient pas en 4 pages, que effectivement, bien sûr que ça doit être très compliqué à écrire, et c'est pour ça que c'est le genre de film aussi que j'aime aimer, mais là, vraiment purement en termes de personnage, en termes d'empathie. Je suis restée à distance, mais j'imagine bien que le scénario est très travaillé. Évidemment que l'ambiance, on la sent partout. Il y a un travail monstrueux, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Je trouve que c'est fait très exercice stylistique, exercice de démonstration artistique, justement parce que c'est presque trop, et voilà. Non mais j'ai pas dit que c'était facile à écrire. J'ai dit que c'était pas écrit. Bah... Comment tu peux dire ça quand tu vois les dialogues? Non, mais j'exagère. Le monologue de fin est absolument magnifique. Moment de bravo. Tu peux pas. Non, mais ça, ok, c'est une bonne scène, on en parlera après. Mais tu, en tant que scénariste, tu peux pas aimer un film où, au moment où ils s'apprêtent à coucher ensemble, la caméra tourne et filme un arbre. Alors, ça, je suis assez d'accord avec toi, mais pas pour la même raison. Moi, là où, le seul passage où j'ai été déçue, vraiment, pour moi, c'est le seul, à part peut-être sur. Effectivement, le film tire peut-être un peu en longueur sur la fin, mais le seul passage où j'ai été déçue. Oui, mais on a un point de vue différent. Moi, je pense qu'il commence à être trop long au bout d'un quart d'heure. Hein. Et le seul passage où j'ai été déçue, c'est qu'effectivement, il montre la scène où il couche avec la fille, mais pas la scène où il couche avec Oliver. Et là, j'ai trouvé ça un peu étrange de traiter les scènes de deux façons différentes, sachant qu'il n'y a pas de raison. En fait. À mon avis, la raison, c'est ouais, on est acteur, mais nous, on est hétérosexuel. On veut bien avoir un Oscar avec, en jouant les homosexuels, mais pas trop le faire non plus. Non, mon avis, c'est là-dessus. C'est que c'est vraiment un film qui est en fait assez pudique. On est souvent en retrait un peu de ce qui se passe, un peu en retrait des personnages, même dans le dialogue, dans les scènes, etc. Où ça passe toujours par, par des symboles, par le short qui veut absolument renifler, par cette pêche dans laquelle il veut éjaculer. Voilà. C'est le meilleur moment du film. Il veut pas. Il y a des. En termes de moments embarrassants, la pêche, là, c'est. Ouais, quand mais même c'est un moment de bravoure en tant que scénario. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve qu'il y a 3 moments de bravoure. Il y a la pêche. Il y a sa déclaration à Oliver et il y a le discours du père à la fin qui est magnifique. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Alors, tu peux pas appeler moment de bravoure dans un scénario quand il y a juste Nawak à l'écran en disant oh Luke, oh quelle bravoure d'avoir fait absolument n'importe quoi. Non mais vraiment, juste c'est ridicule. Qu'est-ce que tu nous montres? Qu'est-ce qu'on est censé ressortir? Exactement, très bonne question. En voyant cette scène. Bah, pour moi, c'est un peu un replay de leur scène de sexe de la veille, quoi. C'est vraiment, il se pose une question sur sa sexualité véritablement. On entre dans le dur du sujet pour le coup. Vraiment. Non, mais dans le noyau dur de l'abricot. Mais vous n'avez pas trouvé que cette relation entre deux, en fait, elle n'est pas si classique que ça, parce qu'on passe d'une espèce de haine à une passion très violente. Non. Mais il y a un moment où ils peuvent pas se saquer. Au début, il le déteste. Il l'énerve, c'est une tête à claque. Non, il l'agace, mais c'est pas une haine. Sur le bord, au bord. Je pense que justement, peut-être que je suis une coquille vide, je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de sentiments, je suis peut-être trop bas du front pour comprendre leur relation complexe et sophistiquée, mais vraiment, je ne comprends rien à leur relation. Parfois, ils se font la gueule pour des trucs, tu comprends, merde. Ah non, c'est des trucs. Non mais je rebondis. Je vole à la rescousse de Fiona, je suis complètement d'accord et je suis très embarrassée parce que j'ai l'impression d'avoir aucune sensibilité, mais pardon, non, je comprends pas cette relation entre... Justement, c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, avec ce film. C'est que c'est un film sur le désir. Et que c'est une façon de ressentir et de ressentir la passion et les désirs, etc., que ça doit parler à certaines personnes. Moi, je sais pas, toutes les scènes où il se saute dessus, où à un moment il le mord sur l'épaule, mais en jouant, etc. Moi, c'est des scènes qui m'ont fait frissonner. J'ai ressenti exactement. La question n'est pas que ce soit deux hommes ou un homme avec une femme ou deux femmes. Non, c'est juste le désir pur de vouloir le corps de l'autre, en fait. Et c'est ça où vraiment, moi, j'ai apprécié ce film. Et je pense que c'est la manière dont ça a été écrit, la manière dont ça a été filmé, bah, ça parle à certaines personnes et pas à d'autres. C'est pas ça qu'on critique. Évidemment, toutes les scènes où on voit qu'il le désire, elles sont très bien faites. On parle que des fois, et Fiona, je ne comprenais pas où est-ce qu'ils en étaient, pourquoi ils se faisaient la gueule, genre le mot qui dit arrête de faire ton gamin et rejoins-moi à minuit, mais quoi, ils s'en voulaient pas, je ne comprenais pas. Où était le rapport entre les deux? Ils allaient super bien, puis d'un seul coup ils s'aiment plus. Ok, ouais, pourquoi? Pareil, quand ils font la paix après avoir. Parce qu'il lui a dit ah, tu l'aimes bien cette nana. Je ne comprends rien. Alors voilà, je suis idiote, je ne comprends rien. Et peut-être que ça te parle, pour revenir sur ce sujet, effectivement, peut-être que ce genre de relation et ce désir parle, bah effectivement, si t'as un fait pour Timothée Chalamet et j'en sais rien. Parce que je comprends pas. Attends, remix. Non, une fois qu'ils ont fait l'amour, expliquez-moi. Pourquoi une fois qu'ils ont fait l'amour, il s'est rien passé de spécial et on a Oliver qui lui. Il n'y a pas eu de c'est sa première fois. Dispute. Il n'y a pas eu de dispute. Oui, et il lui fait la gueule. Et il lui dit est-ce que tu m'en veux? Ben oui, il a assouvi son désir, en fait. Je trouve que cette scène, elle est incroyable. Ils ont enfin couché ensemble. Il a enfin assouvi ce désir-là. Et, mais c'est il comme le si rejette tout pas. Était, ben, c'est, lui, il se lève, c'est un peu comme si tout était fini. Et t'as cette espèce de peur, en fait, du lendemain. Est-ce que ben, c'était juste une fois? Est-ce qu'en fait, il a fait juste cette expérience avec moi? Et c'était comme ça. Et là, t'as un jeu de pouvoir, en fait, qui se remet en place. C'est absolument formidable. Où il se dit, mais en fait, ben non, je te fais toujours bander, donc... en fait, ça va quoi. Et je trouve ça extrêmement fort. Alors, je pense qu'il y a un problème avec ce film aussi parce que j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas du tout attachants parce que c'est des petits connards d'un télo pédant. Merci. Non, mais sincèrement, ils parlent comme. En fait, c'est peut-être pour ça que ça vous plaît, vous suranalysez tout comme eux et c'est très très chiant. Bon, alors, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche, quoi. Vous êtes contre la culture, clairement. Mais non, pas du tout. Là, il y a trop de. Voilà, la culture, c'est comme la confiture, hein. Ah, j'ai failli la sortir. Très bon argument, Fiona. Mais non, alors, mais du coup, en, non, c'est vrai que. Vérité, non, mais je trouve que pour aller faire un pas dans votre sens, au début. Parce que moi, je suis comme ça. Merci, Sarah. Tu as aimé comme Ibarion aime. Tu es tellement supérieur à nous. Non, excuse-moi, Sarah, excuse-moi. Je t'en prie. Ok. Donc. Moi aussi, j'ai été un tout petit peu agacée au début par cette famille qui est en fait qui vit dans France Culture, enfin globalement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils parlent quatre langues, qu'ils lisent des poèmes en allemand et tout le monde comprend l'allemand alors que personne n'avait parlé allemand avant dans le film vu qu'ils parlaient déjà français, italien et anglais. Après, enfin, en fait, ça ne m'a pas du tout dérangée. C'est une arène, il a choisi cette arène-là. Moi, les personnages, je les ai trouvés attachants en dehors de ça et je vois pas pourquoi on devrait s'élever contre le fait qu'ils parlent trois langues. Au contraire, je trouve que ça fait un ballet linguistique assez sympa que c'est, j'avais pas vu ce genre de choses et moi ça m'a pas choquée même si je comprends au début. Le côté ces gens ne sont pas comme nous, mais après ça m'a pas dérangé, justement moi je suis entrée dans leur monde. Non mais j'ai pas juste pour rebondir là-dessus, j'ai pas aimé ça, juste ça m'a tenue à distance. Mais peut-être c'est ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement il y a beaucoup de sous-textes, il y a beaucoup de non-dits et justement peut-être trop. Et c'est ça qui est certainement la faiblesse du scénario dans le sens où beaucoup de gens restent en dehors et fait que tu n'arrives pas à comprendre vraiment ce qui se passe entre ces deux garçons. Fiona. De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Jacques Prévert, moi aussi je suis cultivée, bim. Allez. Bam. Non, j'aime beaucoup les gens cultivés, il y a pas de problème, mais c'est juste que là ils sont. Il y a vraiment, ils se parlent pas naturellement. Enfin, il y a un moment où tu peux être très cultivé et parler normalement. Ils se parlent vraiment toujours. Ah, on est dans un poème, dans leur vie. Leur vie est un poème, quoi. Et alors, ils sont dénués d'humour. Mon Dieu, il y a pas. Alors, ah oui, ils s'en se marrent pas. Ouais. Gare à une petite plaisanterie parce que on pourrait rire. Attention. Donc non, vraiment là, à un moment t'as envie de dire, il faut aussi s'aimer et se désirer parce qu'on a, il y a d'autres choses que juste. Il me fascine et puis il me parle en vers. Et la fille avec qui il sort, elle aussi, elle aime la poésie. Ah oui, elle aussi. Non, mais tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui. Tout le monde est trilingue. Parce qu'elle veut être comme lui, parce qu'elle l'admire, en fait. Je trouve que le titre du film est très beau. C'est vraiment. C'est vouloir faire l'un avec l'autre, à la fois spirituellement, physiquement. Il y a un côté retour originel au banquet de Platon, pour rester dans le, pour rester dans la thématique. Voilà, on a appris des choses. Non, mais c'est une histoire d'âme sœur. Enfin, oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la différence entre. Alors là, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que c'est un argument de Camille. Camille qui me disait que là où c'était très intéressant, c'est que la différence de relation amoureuse entre Elio et la jeune fille et Elio et Oliver, c'est-à-dire que ça ne marche pas avec elle. Elle essaye, elle lui dit oh, bah, j'ai lu tel livre, mais lui, cette relation amoureuse là, elle ne fonctionne pas. Parce que par contre, ce qu'il trouve avec Oliver, c'est autre chose. C'est une vraie, il y a un vrai lien intellectuel. Il se rend compte vraiment là-dessus. C'est des conversations beaucoup plus complexes. De bah tiens, j'ai lu le même livre que toi en fait. Et puis c'est son abricot. Et c'est exactement, c'est sa pêche, c'est son abricot. C'est tout ce que tu veux. C'est une pêche. Et là où il y a, c'est très joli en fait cette différence de relation là. Et tu comprends très bien en fait ce qu'il a avec Oliver et qu'il n'a pas avec cette jeune fille. Et c'est pareil, c'est relié thématiquement à bah, ce que c'est que la passion, à ce que c'est que le l'amour, etc. Juste, bon voilà, je trouve qu'effectivement il y a aussi plein d'images que je trouvais moi trop lourdes. Il y avait aussi la métaphore sur la judéité que je trouvais bien bien lourde. Assume-toi en tant que juif, assume-toi en tant que gay, je sais pas, je trouve ça. Alors que c'est antinomique. Exactement. Mais non, il y a, ça. Et par contre. Je vais quand même donner. Ah oui, j'ai trouvé aussi la musique insupportable. Mais ça, c'est autre chose. Il y a une scène que j'ai trouvée vraiment très belle et vraiment très intéressante et qui aurait, à mon sens, dû être le point de départ, enfin le cœur de l'histoire. C'est cette scène avec son père. Ah oui, qui est magnifique. Qui pour moi, alors si je l'ai bien comprise, parce que maintenant j'ai un peu peur, avoue qu'il est homosexuel aussi, qu'à un moment il a été un peu confronté à ce choix, le choix que fait Oliver entre justement soit assumer son homosexualité, soit aller se fiancer avec une nana. Et pour moi, il a fait le même choix qu'Oliver. Et il dit à son fils, toi, le fais pas. Oui, il y a une note très positive et à la limite, c'est là où on peut faire la boucle avec. On est dans les années 80, pour l'instant, on n'en parle pas. C'est que. Peut-être que eux, à leur époque, c'était même pas envisageable. Oliver, il est encore là-dedans. Il se met dans le moule de se marier avec une nana. Et pour Elio, il y a une note d'espoir de lui dans les années, du coup, ben, peut-être 90. C'est bien ça, dans les années 80, dans le film. Voilà, lui aura la chance. Et son père lui dit d'ailleurs ce que tu as vécu, profites-en. Il y a une note d'espoir sur lui et c'est positif. On se dit, bon, bah, lui, il arrivera peut-être vraiment à avoir cette liberté amoureuse que n'a pas eu son père. Après, est-ce que son père avoue à demi-mot qu'il est homosexuel? Je sais pas. En tout cas, il a eu, on comprend, moi j'ai compris qu'il avait eu cette parenthèse comme Elio. Ouais, j'ai compris, ah, j'ai pas plus compris généralement. Qu'il avait eu une parenthèse. Ouais. J'ai compris qu'il avait voulu la voir mais qu'il l'avait pas eu comme Elio l'avait eu. Moi, ah, il le dit ça marche globalement sur la passion en fait, pas spécifiquement sur l'homosexualité, mais qu'il n'avait pas eu la chance comme Elio d'avoir cette relation fusionnelle avec quelqu'un, peu importe le sexe, on s'en fout, et que il n'avait pas réussi. Voilà, ça ne s'était pas présenté à lui qu'il aurait adoré, mais que c'était pas le cas. Et quand Elio dit à son père, est-ce que maman sait? Il parle pas de. Est-ce que maman sait que je suis gay? Il dit. Est-ce que maman sait que tu l'es? Ah non, moi j'ai compris. Moi je l'ai compris comme ça. Et j'espère. J'espère. Attends, moi c'est le seul truc que j'ai trouvé super dans le film. Non, ouais, j'espère. Truc, c'est fini. Ah, de toute façon, on arrive au bout. On arrive au bout. Je suis désolée. On va finir par le bilan global de ce film. Marine. Ah oui, mais je le conseille. C'est un très beau film, très bien écrit. Très bien, Rumix. Oui, moi je le conseille. Après, j'ai pas été spécialement touchée, mais je le conseille. Ok, Sarah. Bah, moi j'ai été vraiment très émue et je conseille de voir le film au cinéma. Film de l'année alors pour toi? Bah pour l'instant, bon, après ça fait 3 mois que l'année a commencé. On est au mois de mars. Mais pour l'instant c'est vraiment mon coup de cœur. Si on parle pas de Three Billboards qui était un autre coup de cœur de notre. Ok, Fiona. Je me suis profondément ennuyée et alors allez le voir si vous êtes fruitophile. Si vous aimez les fruits et légumes. Ouais. Ça va être un peu dégoûté des pêches. Et les statues grecques. Ouais. Là, moi j'ai trouvé ça absolument catastrophique. Mais bon, pour un bon point quand même, c'est que c'est la première fois qu'une fille, première fois qu'un mec, première fois qu'une pêche. Écoutez, pourquoi pas. Mais juste pour ceux qui l'ont pas vu, sachez que le dernier plan, c'est quand même le héros, plan séquence, pendant tout le générique, où il pleure devant une cheminée. Voilà. Et je pense que ce plan lui seul résume le film. C'est un très beau plan. Très beau. C'est un très très beau plan sur des larmes numériques. C'était magnifique, ouais. Ouais, c'est très. On va finir avec les recommandations ou les dérecommandations. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. On finit par ça. Marine, cette semaine. Alors, cette semaine, il y a la saison 2 de Jessica Jones. Allez-y. Est-ce qu'elle a toujours sa veste en cuir? Sans hésitation, Bob, bien sûr. Et tu découvres, sans spoiler, pourquoi elle a sa veste en cuir. D'où vient cette veste en cuir? Intéressant. Remix? Eh bien, moi, la seule chose que je peux vous recommander pour l'instant, puisque je suis à fond dans des révisions d'anglais, c'est des petits podcasts de 6 minutes qui s'appellent 6 Minutes English, qui sont vraiment formidables. C'est des petits podcasts de la BBC et ils sont vraiment très chouettes. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, pour rester dans les podcasts, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui existe sans doute depuis 10 ans sur France Culture, et c'est vraiment des témoignages. On a l'impression qu'on pourrait faire un film de chaque témoignage. C'est extrêmement émouvant, ça dure entre 15 et 25 minutes, et je vous le conseille vraiment. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Fiona? Donc c'est des recommandations ou recommandations? Ouais, tu choisis. Alors je vais dérecommander Call Me By Your Name, parce que je pense que il faut le redire et encore. Je pense qu'on a allez voir. Non, oh si, c'est accepté. Et moi je vais recommander un jeu vidéo qui s'appelle Opus Magnum et qui est un puzzle game absolument génial. Et croyez-moi, c'est pas un mot que j'emploie souvent, mais le but est de construire des formules alchimiques et vous avez des pinces et une ligne de commande et il faut réfléchir sur quelle ligne apporte quelle commande à tel endroit. Et plus vous progressez, c'est magnifique. Et plus vous progressez, plus vous dites non mais je peux mieux faire. Et c'est un jeu vidéo qui pousse à la perfection. T'as pas compris le scénario de Call Me By Your Name, alors attends, je comprends plus. Mais non, mais Call Me By Your Name, il n'y a pas de scénario, il n'y avait pas à comprendre. C'était, oui, vous avez envie de coucher ensemble, ils couchent ensemble. Voilà, merci d'être passé. Et on s'arrête là et on se retrouve dans 2 semaines avec des films un peu meilleurs, on vous le promet.